Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Merci à tous. Quand on lit ce texte-là, ce qui naît en nous, ou ce qui naît dans ceux qui l'ont entendu de la part de Jésus, de la bouche de Jésus, c'est l'anticipation de ce moment-là. À plusieurs reprises dans le texte, il dit « en ce jour-là, en ce jour-là, en ce jour-là ». Il parle de quel jour? Il parle du jour de la venue de l'Esprit, du Consolateur. Il dit « dans ce jour-là, ça va être pour vous un grand sujet de joie. » Un grand sujet de joie. Et quand on regarde ce que l'Esprit va faire dans la vie des croyants, on ne peut pas faire autrement d'avoir hâte que l'Esprit vienne, que s'accomplisse la prophétie que Jésus a faite cette journée-là. Donc, c'est vraiment un sujet qui est intéressant à étudier pour le croyant, ce sujet du Saint-Esprit. Et moi, je voudrais vous encourager dans les semaines, les mois, les années qui viennent, avant d'étudier un sujet, vous devriez étudier la personne que le sujet concerne. Avant d'étudier l'œuvre du Saint-Esprit, je vous encourage à étudier c'est qui le Saint-Esprit. Ça va faire une grosse différence. Hein? Et quand vous étudiez l'œuvre par après, l'œuvre doit être conforme à ce que vous avez étudié de la personne. Ça doit être conforme. Et des fois, en tant que croyant, on va dire le Saint-Esprit ou Dieu ou Jésus a fait quelque chose ou est en train de faire quelque chose, on va dire, mais semble ça ne fit pas avec la personne dont tu parles. On va dire ça des fois entre nous, mais semble ça y ressemble pas ça. On est en train de dire que je connais la personne et ce que tu me dis, il me semble que c'est pas lui ça qui fait ça. Il me semble qu'il n'est pas de même, lui. Et quand on étudie l'œuvre de l'Esprit, il faut que ce que je vais découvrir dans l'étude de l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, il faut que ça se jointe. Comme on dit en québécois, il faut que ça fitte avec la personne. C'est pour ça quand on a commencé, il y a 6 mois en arrière, ou 6 mois en arrière, on a commencé par regarder, c'est qui ça, ce personnage-là? Dernièrement, j'étais en train de parler avec un groupe de chrétiens, puis j'ai dit, vous savez, la personne du Saint-Esprit, puis pour elle, elle m'a dit, mais moi, le Saint-Esprit, c'est-tu une personne? C'est-tu une personne? Même si ça fait longtemps qu'elle est chrétienne, elle a encore de la misère à percevoir l'Esprit de Dieu comme étant une personne, autant que Jésus est une personne, autant que le Père est une personne, l'Esprit est une personne. Et on a de la misère, on a l'impression, on a la tendance à le voir plutôt comme une puissance. Et on a de la misère à personnifier une puissance. Et des fois, on va le voir, c'est Patrick qui a mis une photo sur les vidéos, puis sur le Saint-Esprit, puis qu'est-ce qu'il a mis sur la photo? Colombe. Je me dis que, plutôt qu'un incroyant, quelqu'un qui est complètement là, en dehors de la culture chrétienne, et qui voit le Saint-Esprit, puis qui est sur Vimeo, puis lui, c'est un gars qui vient de quelque part dans le fond du bois, il va dire, Saint-Esprit, c'est une colombe, ça. Le Saint-Esprit, c'est une colombe. C'est ça qu'il va penser dans sa tête. Nous, on est tellement habitués que on a de la misère à personnifier l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus a dit à ses disciples, l'Esprit va venir sur vous, il ne parlait pas d'une colombe, il parlait d'une personne. Et il est important de se rappeler ça quand vous étudiez l'œuvre de l'Esprit, de bien voir c'est qui ce personnage-là, ou cet être divin-là, cet être souverain-là, cet être immuable-là, cet être gracieux-là. Il a tous les mêmes attributs que Dieu le Père, il a tous les mêmes attributs que Dieu le Fils. Ils sont pareils, on le sait, nous on croit ça, les chrétiens, on croit la Trinité. 3 personnes qui en forment seulement qu'une. Donc, il est important, quand vous étudiez l'œuvre du Saint-Esprit, de bien prendre le temps d'étudier aussi la personne du Saint-Esprit. Et quand On regarde par après son œuvre qu'il a accomplie sur la terre, l'œuvre qu'il a accomplie dans le croyant, on va voir que ça fait bien avec la personne qu'il est. Parce que quand le Saint-Esprit va faire une œuvre, il faut qu'il soit tout puissant pour faire les œuvres qu'il dit qu'il va faire. Mais je n'ai pas de misère à comprendre et à accepter son œuvre quand je sais d'avance qu'il c'est un être tout puissant. Je n'ai pas de misère à comprendre qu'il va travailler dans chacun de nous quand je sais à l'avance qu'il est omniprésent, cet être-là. Ah oui, pas de problème, oui. Il est avec Richard Lavaldor, il est avec l'autre, il est avec François Victorinville, il est avec Chantal Pilon à Mouk Mouk Mouk là-bas, là. J'ai pas de misère à comprendre ça. Pourquoi? Je sais qu'il est omniprésent. Donc, si je le sais pas, ça, parlez avec des mouvements qui ne croient pas à ça. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous dire. Parce qu'ils ne croient pas que l'Esprit, c'est une personne égale au Père et au Fils. Ils vont vous sortir toutes sortes d'explications pour les textes bibliques. Toutes sortes d'explications. Et si vous parlez, mettons, avec un témoin de Jéhovah qui croit que l'Esprit, c'est pas une personne, c'est juste une puissance, vous allez voir comment il interprète les textes. Et nous autres, il faut faire la même chose. Donc, si je comprends bien qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il est en tant que personne, là, quand j'étudie son œuvre, ça va aller ensemble, dire, oui, c'est, bon, ok, c'est pas surprenant. Oui, je comprends. Oui, je sais qu'il peut faire ça parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, il est omniprésent, il est immuable, il change pas, il est souverain. Il est aussi souverain que le Père. Il est aussi souverain que le Père. Il n'est pas moins souverain que le Père. Donc, automatiquement, ça va me diriger, ça va m'aider à comprendre les textes bibliques qui parlent du Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que la première chose qu'on a vue ensemble, quand on a regardé le Saint-Esprit, on a dit que être rempli de l'Esprit ou être baptisé du Saint-Esprit, c'est un acte souverain de Dieu. C'est pas surprenant de dire ça. Il est souverain dans sa nature, dans sa personne. Il prend des décisions. Le Père n'est jamais en réaction au monde. C'est le monde qui est en réaction à ce que le Père est en train de faire. Donc, si je crois que le Saint-Esprit il est comme le Père, puis qu'il est aussi souverain que le Père, puis qu'il est aussi au-dessus du monde dans lequel je vis, c'est pas surprenant que c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va conduire, c'est lui qui va influencer le peuple qui est en charge. Moi, quand je lis l'Ancien Testament, que je vois Dieu sur le peuple d'Israël, je vois un Dieu souverain. Tu viens ici, tu t'en vas là, j'envoie de l'eau sur celui-là, j'ouvre la terre d'une gang qui tombe là. Je suis souverain, je vois un Dieu souverain. Et quand je vois le Saint-Esprit dans l'Église, qui est le nouveau peuple de Dieu, il est aussi souverain que le Père dans l'Ancien Testament. Il n'est pas moins souverain. Donc, il faut toujours réaliser ça. Son œuvre dans l'Église, c'est une œuvre d'une personne souveraine sur l'Église. Elle n'est pas là pour obéir à l'Église, mais elle est là pour diriger l'Église, pour influencer l'Église, pour conduire l'Église, pour éclairer l'Église, pour convaincre l'Église. Elle est souveraine, cette personne-là, sur l'Église. Quand on m'a baptisé dans l'Esprit, c'est Dieu qui a fait ça, il m'a baptisé dans l'Esprit, et que l'Esprit est venu habiter en moi, il est venu en tant que souverain. Il n'est pas à mon service. Il n'est pas à mon service, il faut oublier ça, il n'est pas à mon service. Un souverain, il n'est jamais au service des autres. C'est les gens qui sont à son service. C'est les gens qui sont à son service. Donc, il vient dans l'Église, et il va... En tant que souverain, donc souverainement, il nous a baptisés et souverainement, il nous a remplis du Saint-Esprit. Souverainement, il a donné des dons, hein, selon sa propre volonté. Il est souverain. Il a pas demandé à qui que ce soit, il est arrivé. Je me souviens une fois, je dis, Joseph et des chrétiens, il me semble s'il m'avait demandé mon idée par rapport aux dons, j'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais peut-être pas choisi celui-là. Mais souverainement, il a fait de moi ce que je suis. Sans me demander la permission, sans me demander mon accord, il a juste dit, je suis souverain, je fais ça. Je fais ça. Puis, C'est bien que ce soit comme ça, parce que c'est le seul souverain qui est parfait. Nous autres, on est un petit peu loin de la perfection. Un petit peu loin de la perfection. Donc, pourquoi confier à quelqu'un qui est imparfait quand on peut laisser quelqu'un de parfait le faire? Donc, être baptisé et être rempli de l'Esprit, ce qu'on a mis ensemble, tu ne peux pas être baptisé sans être rempli. Si tu es rempli, c'est parce que tu as été baptisé, ça va ensemble. Donc, ça, c'est souverain. La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est que c'est le sens. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? Vous vous souvenez qu'il y a juste un auteur de la Bible qui utilise cette expression-là, ou deux. Un, il l'a employé peut-être 50 fois, l'autre, il l'a employé qu'une fois. Donc, on va parler qu'il y a juste un vraiment qui l'a employé. C'est qui l'auteur de la Bible qui emploie cette expression à être rempli d'esprit? Il n'y en a qu'un vraiment. Non. Luc. Luc, dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres, c'est le seul auteur de toute la Bible, à part Paul dans Éphésiens 5 une fois, mais c'est juste Luc qui emploie cette expression-là. Donc, c'est important pour nous d'aller voir qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il emploie l'expression « être rempli de l'Esprit ». Zacharie étant rempli de l'Esprit, Paul étant rempli de l'Esprit, Pierre étant rempli de l'Esprit. C'est lui qui emploie l'expression. Les autres, pas tous. Jésus ne l'a jamais employé. Jamais. C'est Luc qui emploie ça. Donc, il est important pour vous et moi, quand on étudie l'expression, d'aller voir dans ces deux livres-là, Actes et Luc, vous savez, c'est le même auteur, le même destinataire qui est Théophile, le même homme, donc il a employé la même expression avec le même sens partout ce qu'il a utilisé. Et le sens que je crois que ça veut dire qu'être rempli de l'Esprit, ça veut dire être contrôlé de ou par, être dirigé par l'Esprit, être contrôlé par l'Esprit. On avait vu ensemble que quand je suis rempli de colère, vous le voyez tous. Quand je suis rempli de tristesse, les gens vont le voir. Quand je suis rempli de l'Esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui me pousse à dire ou à faire ou à ne pas faire certaines actions. Donc, c'est être rempli, c'est je suis rempli d'une personne. Cette personne-là vient à moi, elle me remplit de sa présence, pas de sa puissance, de sa présence. Je ne suis pas rempli de la puissance de l'Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit qui vient avec sa puissance. Oui, il vient avec sa puissance, mais je suis rempli d'une personne, pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Et c'est identique à Jésus, hein? Je suis le premier consolateur, je vais vous envoyer un deuxième consolateur pareil comme le premier. C'est pour ça qu'il a dit alors, je m'en vais, mais je reviens. Vous allez être triste, mais vous allez être dans la joie parce que je reviens. Il revient dans la personne du deuxième consolateur. Il revient habiter en eux. Donc, il dit, vous allez être triste pour un petit peu de temps parce que je suis parti, puis quand je vais revenir dans la personne du Saint-Esprit, vous allez être heureux encore une fois, vous allez être dans la joie. Ça, c'est la deuxième chose qu'on est venu. La troisième, on a vu qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est une grâce de Dieu. On ne mérite pas ça. On ne mérite pas plus d'être rempli du Saint-Esprit qu'on méritait d'être baptisé du Saint-Esprit. Pas plus qu'on méritait d'être sauvé. Les croyants ne méritent rien. On vit sous la grâce toujours. Quand les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit dans Actes 2, ça a été instantané, baptisé, rempli, parlant en langue, fait des miracles, c'est parti. Ils n'ont rien fait pour ça. C'était souverainement, c'était gracieux, c'était l'approche que Dieu a donnée à l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Donc, c'est la grâce. On ne peut pas mériter d'être rempli. Et vu que c'est par la grâce, je ne peux pas non plus le perdre. Je ne peux pas non plus le perdre parce que c'est une grâce. Je sais que vous êtes de ceux qui ne croient pas à la perte du salut. Pourquoi? C'est une grâce. Parce que le Seigneur nous a sauvés. Donc, c'est une grâce. Donc, je peux pas soit l'augmenter, soit la diminuer parce que ça sert par mes œuvres que je ferais ça. Donc, c'est une grâce d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas influencer sur cette œuvre gracieuse-là et souveraine de Dieu. Ensuite, on a vu ensemble les effets. La dernière fois que je suis venu, on a vu quatre effets. Comment est-ce que je peux voir en toi si tu es rempli du Saint-Esprit? Il y a des effets dans notre vie qui sont indéniables, que tout le monde va voir. Il faut faire attention quand on dit « Ah, moi, tu ne peux pas savoir si je suis sauvé. Ah. » Faut attention avec ça. Faut pas partir sur l'autre extrême, là. Faut partir sur l'autre extrême. Je crois que si j'avais le pouvoir de te changer en chien, je le verrais le lendemain matin. Et le miracle qui a été fait en moi est bien plus grand que d'être transformé en chien. Parce que ce que Patrick a partagé ce matin, de transporter de la lumière, de la ténèbres à la lumière, d'enfant du diable à enfant de Dieu, de mort à vivant, puis de dire, moi, ça fait, je suis chrétien, mais il n'y a personne qui le voit, personne ne va le savoir, personne ne le voit, ça ne paraît pas. J'ai un peu de misère avec ça, personnellement. J'ai un peu de misère avec ça. La manifestation, ça va varier avec chacun de nous. Il y a des choses qui sont indéniable. N'es-tu qui s'en souviennent des quatre choses que j'ai nommées la dernière fois que je suis venu? On est les seuls à comprendre la parole et toute personne qui est remplie du Saint-Esprit comprend les Écritures. Et si tu comprends les Écritures, c'est parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, si tu les comprends, je déduis que tu as le Saint-Esprit en toi. Tu es obligé de le dire comme ça. C'est impossible. Tu ne peux pas le comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'à cause de cette capacité-là, tu as compris les Écritures, tu as compris le salut et tu as été sauvé. Ça, c'est la première chose. La deuxième? Tu as le droit. Tu as le droit d'en dire deux. OK. Ça, c'était le quatrième, mais ça fait partie de ceux-là aussi. Dans le deuxième, là, c'était la louange. La reconnaissance du salut qu'on a reçu parce qu'on a compris les Écritures. Dieu m'a ouvert l'Esprit, j'ai compris les Écritures, je me suis converti, et l'Esprit, on l'a lu ce matin, l'Esprit nous pousse à louer, à être reconnaissant pour ce qui vient d'être fait dans moi. Montre-moi quelqu'un qui dit chrétien, qui dit, moi, ça ne m'intéresse pas de louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, je vais mettre en doute pas mal fort son salut. Pas mal fort. On veut louer le Seigneur. Et là, encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, commencez pas à imaginer là, que je vais louer comme les gens qui sont en avant qui chantent, je vais louer. Non, non, non. Il y a mille et une façons de louer et d'être reconnaissant. Il y en a autant de façons qu'il y a de chrétiens. Mais les chrétiens louent le Seigneur. Louent le Seigneur. Troisième, j'ai pas employé l'expression comme ça. Non. Non, louer. Le partager à d'autres. Ils vont vouloir le dire à d'autres. Tu ne peux pas dire, j'ai été sauvé, je comprends les Écritures, maintenant je comprends que le monde est perdu, je comprends que le ciel est là par grâce, je comprends des vérités, je comprends qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfant, je comprends ça, mais non, ça ne m'intéresse pas de dire à personne. Je ne dirai même pas à mes enfants. Ça ne m'intéresse pas. C'est impossible, c'est impossible, impossible. Impossible. Et c'est pour ça qu'on est rendu aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on est assis ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont dit. Hein? S'il y avait une génération qui avait décidé de ne pas le dire, on ne serait plus ici. Mais c'est parce que les chrétiens, ils ont ce désir interne qui vient de l'Esprit de Dieu, qui les pousse à partager, premièrement, souvent avec ceux qui sont proches, avec les enfants, la femme, le mari. La famille, on partage, on s'en va tranquillement, on partage avec les gens toutes sortes de vérités, de toutes sortes de façons, puis on parle avec les gens. On le dit, c'est impossible. Là, je ne vous parle pas de porte-à-porte, je ne parle pas de ça, là. Je parle juste de partager. Il y a mille et une façons. Oui, c'est ça, il y a mille et une façons, mais on va le faire. On va le faire. Moi, j'ai connu une dame qui... Je l'avais jamais vu partager l'Évangile. Je l'avais jamais vu. Je la voyais le dimanche à l'église. Peut-être une petite fois dehors de ça. Mais je me suis rendu compte par après, elle avait un grand ministère à partager la parole en écrivant. Elle écrivait des lettres de 5-6 pages à toute sa parenté. Pour partager l'Évangile de cette façon-là. Où je dis, ben, fantastique. Merveilleux. Merveilleux. On va le faire chacun à notre manière, avec nos talents, avec nos dons, avec notre personnalité, avec notre âge. Et ensuite, ça, on a vu, on veut vivre en Église. On veut vivre en Église. Le chrétien qui est rempli de l'Esprit, qui est baptisé de l'Esprit, vu que quand il a été baptisé de l'Esprit, il n'a pas été baptisé tout seul à Jésus, parce que baptiser veut dire être, faire un avec Jésus, mais on l'a baptisé avec l'ensemble des croyants. Vous êtes devenu un seul corps avec la tête et le corps. Et quand vous lisez toutes les actes, les épîtres, c'est l'argument de l'apôtre Paul. Vous avez été baptisés dans un même corps, donc vous êtes ensemble. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied qui désire se séparer du corps. Ça n'existe pas. On peut changer de place, oui, ça, je comprends ça. On peut dire, ben, j'aime mieux ce corps-là, local, de Jésus-Christ, puis j'aime mieux l'autre, ça, c'est correct, je comprends ça. La forme que ça va prendre, je comprends ça aussi, que je peux aimer plus une forme. Mais, comme j'ai dit la dernière fois, prends un chrétien, emmène-le dans une ville, tout seul, t'es tout seul, la première chose qu'il va faire, il va commencer à regarder si c'est pas des chrétiens alentour. Il va commencer à regarder. Y a-t-il des petites réunions quelque part? Y a-t-il des petites réunions? Seulement, je parlais avec mon garçon, ça m'a fait plaisir qu'il dise ça comme ça. On est en train de souper ensemble, puis il dit, lui, il reste à Sherbrooke, mais il travaille à Montréal. Puis là, il dit, il va à l'église Acts 21, ceux qui connaissent la Sherbrooke. Mais lui, il travaille à Montréal, fait que sur semaine, il n'y a rien. Il est à Saint-Eustache, puis il n'y a rien. À Laval, puis il n'y a rien. Fait que, il a été rencontré un pasteur dans une église, puis il n'y avait pas des groupes par hasard dans la semaine, ça, à quelque part. Le pasteur dit, ben oui, ils ont commencé justement un groupe, là. Ben, je vais y aller. C'est ça, le chrétien. Il veut être avec d'autres chrétiens. Il est allé, puis il était juste lui pour le pasteur. Il dit, ouais, le groupe n'est pas gros. Le pasteur dit, sois patient, ça va venir. D'ici de Noël, on devait être une dizaine, quelque part. Mais oui, c'est l'attitude. Je suis dans une ville, je suis seul de chrétien, il me semble, c'est plus fort que moi, il faut que j'en aie. J'en trouve d'autres à quelque part. J'en veux trouver d'autres à quelque part. C'est comme ça. Ça fait partie d'être rempli de l'Esprit. Le dernier, ce matin, qu'on va voir, c'est est-ce qu'on l'est toujours rempli du Saint-Esprit ou est-ce qu'on ne l'est pas toujours? Là, il y a tout un argument chez les croyants par rapport à ça. Et les textes dont on utilise, il y a trois textes qu'on va voir ce matin, qu'on utilise souvent pour parler qu'on peut être rempli de l'Esprit ou on ne peut pas être rempli de l'Esprit. Mais si je me souviens de ce que je viens de dire, c'est souverain, c'est gracieux, ça devrait m'influencer dans la compréhension là. Mais le texte, un des textes qu'on parle, c'est attrister l'Esprit. Attrister l'esprit. Éphésiens, chapitre 4, si vous voulez tourner là, ou regarder en avant avec le rétro. Pas le rétro, mais avec le projecteur. Éphésiens 4, chapitre, verset 17. C'est un texte qui dit, n'attristez pas cet esprit. Puis, le croyant, à travers les temps, à travers les différentes églises dans lesquelles on peut avoir été, ont une différente interprétation de ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible a dit « N'attristez pas l'Esprit Saint » et quand je l'attriste, ça veut dire quoi? Ça fait quoi sur l'Esprit Saint et sur moi? Est-ce que ça a un impact sur l'œuvre souveraine que lui fait? Ou qu'est-ce que ça veut dire? On va lire ensemble, si vous voulez bien. Verset 17 jusqu'à quoi, j'ai dit? 32. Fait qu'on va lire s'il y en a qui veulent participer et qui voulaient lire les versets, deux versets à la fois. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Bon, on va attendre une seconde. Dans ces versets qu'on vient de lire, vous avez remarqué qu'il compare deux groupes de personnes. C'est qui les deux groupes? Les chrétiens et les inconvertis. Pas les chrétiens et les moins bons chrétiens. Pas les bons chrétiens avec les chrétiens moins bons. Le texte est en train de comparer des inconvertis avec les croyants. Donc, attrister l'esprit va venir dans ce contexte-là. Faut bien comprendre ça. Okay? Parce que des fois, si on l'applique, bien ça, c'est un chrétien qui fonctionne pas bien, donc il a attristé l'esprit. Faut faire attention. Parce que c'est tout à fait ça que le texte est en train de nous parler. Donc, continuons au verset 21. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt du travail, en faisant de ses mains ce qu'il est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc l'apôtre Paul ici, quand il parle de ne pas attrister l'esprit, comment est-ce qu'un chrétien attriste l'esprit? Si c'est en péchant qu'il attriste l'esprit, ben il est toujours triste. Qui d'entre nous ce matin, depuis qu'on est levé, qui n'a pas péché? Il ne veut pas la main, personne. Qui n'a pas péché du tout depuis qu'il est levé ce matin? Si c'est ça, vous avez attristé l'esprit. Mais si ce sera ça, si on dit que c'est quand je pêche, quand je fais un péché, j'attriste l'esprit. Mais quel est en est le résultat? L'esprit est triste, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, je vais avoir, mais ça serait quoi les conséquences? On sait bien que c'est pas la perte du salut. On sait bien qu'on perd pas notre relation avec Dieu. Le péché est déjà pardonné en Christ. Je crois que c'est la communion avec le Père qui est coupée, qui peut être coupée dans le sens que, si j'imagine qu'il dit n'attristez pas l'esprit, c'est qu'on peut l'attrister. Oh, c'est sûr. Donc, c'est sûr. Quand on l'attriste, on est nous-mêmes soit attristés parce que l'Esprit Saint qui nous habite nous communique sa peine. Sa tristesse, si on a péché, si on est enfant de Dieu, on en a les effets, et Dieu nous le montre, selon son souméri, pardon. Oui. Donc, si attrister l'esprit, ça veut dire, bon, j'ai péché, j'ai fait un péché quelconque, l'esprit est attristé, donc il peut pas arrêter de fonctionner, là. Non. Parce que c'est à ça, on est fait, à l'os. Là, il va nous montrer le péché. Il va nous pousser à la confession. Donc, il n'est pas arrêté de fonctionner. L'attristé, si c'est le péché, chaque péché que je fais, l'attriste, donc, je l'attriste, il me le montre, il me donne la force de continuer, de me relever, de partir. Il fait juste continuer son œuvre. Il est triste, mais il continue à faire son œuvre. Moi, j'ai attristé ma mère bien souvent à continuer à faire les déjeuners pareils. Mais c'est que la relation, j'imagine, François, avec ta mère, n'était pas trop... Moi, ma relation pouvait être affectée, mais pas la sienne. Avec Dieu étant parfaite, ma relation n'est pas affectée. Lui, il me regarde, et lui, il m'aime encore, il n'a rien changé pour moi, son pardon est parfait encore envers moi, tout est correct envers moi, là, il va aller vers moi, il ne m'abandonne pas dans mon péché, il va juste aller me chercher là. OK? Il va aller me chercher là. Moi, je ne peux pas faire changer Dieu à cause de mon péché. Mais lui, il va aller vers moi, quand j'ai péché, puis il va premièrement me convaincre que c'est mal ce que j'ai fait, il va me le montrer par peut-être un verset, peut-être par un frère ou une sœur, que ce que je viens de faire est mal, et il va me donner la force de me relever, de continuer. Parce que le chrétien continue, il persévère. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Ce que je veux qu'on comprenne un peu ce matin, c'est que attrister n'égale pas neutraliser. OK? N'égale pas neutraliser. N'égale pas, voici, il n'est plus fonctionnel. Il a arrêté de fonctionner maintenant, il m'en veut. Moi, des fois, quand j'attriste quelqu'un, c'est vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça. Ils ne me parlent plus. Est-ce que Dieu fait ça? Non, il ne fait pas ça, Dieu. Non, il ne fait pas ça, Dieu. Je rends gloire à Dieu qu'il ne fait pas. Je rends gloire à Dieu qu'il ne fait pas. Il ne fait pas ça. Parce que sans ça, je serais livré à moi-même avec mon état d'être. Puis, parce que sans l'aide de l'Esprit qui est en moi, sans l'aide de Dieu qui est en moi, quand j'ai péché, s'ils ne réagissent pas eux autres puis qu'ils ne viennent pas vers moi et faire de quoi en moi, je resterais là planté avec mon péché, je ne ferais rien. Je fais rien. Je fais absolument rien. Parce que j'ai aucun pouvoir contre le péché sans l'Esprit de Dieu qui est en moi. J'ai aucun pouvoir. Donc, il est obligé de venir me montrer, me convaincre, me fortifier, me donner, il m'a relevé et que je reparte. Et c'est pour ça que quand il l'a fait, quand j'ai reconnu le péché que j'ai confessé, qu'est-ce que je fais? Je dis merci Seigneur. Je dis pas, une chance François, t'es allé. Je dis merci Seigneur que tu es venu me montrer que tu ne m'as pas abandonné dans mon péché, que tu ne m'as pas laissé à moi-même, parce que je suis resté là. Mais il vient, il me convainc, il me le montre, il me fortifie, il m'éclaire, il me donne la force de me relever puis de continuer. Puis là, je lui rends gloire, encore une fois, merci Seigneur qui était venu dans ma vie, tu as fait ça en moi. Mais je voudrais vous donner un autre angle un petit peu différent que si c'est juste le péché. Si vous avez ça comme interprétation, il y en a bien d'autres qui l'ont aussi, puis vous pouvez le garder, c'est bien correct. Je voudrais vous donner un petit peu différemment. Dans le texte ici, je crois que l'auteur est en train de dire on attriste l'esprit quand on ne vit pas notre vie chrétienne dans son ensemble. Il dit, vous étiez comme ça avant d'être... Parce que là, il ne compare pas ma vie chrétienne à différentes étapes de ma vie chrétienne. Mais il compare ma vie chrétienne avec la vie que j'avais avant. Il dit, si vous vivez votre vie chrétienne, ou la vie chrétienne que vous dites avoir, si vous la vivez comme les païens vivent, c'est bien de valeur. Vous attristez l'esprit qui vous a été donné pour vivre une autre vie. Je ne crois pas qu'il fait mention de... J'attriste l'esprit par chaque petit péché que je fais, mais si je vis ma vie chrétienne autrement que la vie que lui a voulu que moi j'ai, parce que dans la vie chrétienne qu'il a voulu pour moi, c'est que le péché est présent. Je n'ai pas surpris Dieu que je pêche en tant que chrétien. Il sait, mais il dit, quand tu es chrétien, dans ta relation avec les frères et sœurs, il y a une façon de fonctionner. Tu devrais vivre comme avec la nouvelle vie que je t'ai donnée, comme je t'ai montré, comme je t'ai enseigné. Tu devais vivre tes relations avec les frères et sœurs d'une telle façon que je t'ai montré par l'Esprit Saint. Et cette façon-là n'exclut pas qu'il y a des péchés entre nous. Ça fait partie qu'il y a des péchés entre nous. Et il y en aura toujours. Ça fait 35 ans que je suis dans les églises, j'en vois dans ma vie quand je me lève, j'en vois dans ma vie quand je me couche, j'en vois tout le temps. Il y en a du péché. Mais quelle attitude maintenant je vais avoir face à ça en tant que chrétien va être différente que l'inconverti, lui, face à ça. Voyez-vous? C'est pas que moi, en tant que chrétien, là, je suis différent des inconvertis, j'en fais pas de péché. Ben non! Si c'est ça, on n'a pas personne qui est chrétien ici. Parce qu'on fait tous des péchés. Mais notre façon de réagir face au péché est différente. Notre façon de réagir envers nos frères et sœurs qui ont des péchés va être différente. Notre façon que quand je pêche envers Richard, ça devrait être différent de la façon que je vais réagir. C'est pas que le diable t'emporte. J'ai fait ça longtemps, que le diable t'emporte. C'est arrange-toi, espèce de belouin. Mais en tant que chrétien, comme on a eu dans le texte, vous formez maintenant juste un seul corps. Vous faites un avec tous les chrétiens. Et vous avez cet esprit qui vous a baptisé dans un même corps. Donc, votre façon de réagir, c'est pas ça. Je dépends de Richard dans ma vie chrétienne, si je vis en église avec lui. Je dépends de Murray. Donc, ma réaction n'est pas la même. Et ça vient de l'esprit qui va m'emmener à dire, ben, hey, faites-vous du bien les uns aux autres, pardonnez-vous mutuellement, confessez mutuellement, faites la vie chrétienne que vous avez été appelé à faire. Vous êtes plus comme les inconvertis. C'est pas l'absence ou la présence de péché qui l'attriste, c'est comment je réagis face à tout ça dans ma vie chrétienne qui va l'attrister. Parce que je surprends pas Dieu quand je pêche. Je dis pas qu'il veut que je pêche. Non, non, non, non, non, non. Mais à cause qu'il a mis l'esprit en moi, il s'attend à ce que je vais réagir de telle façon devant mon péché. C'est pour ça qu'on dit que le chrétien, lui aussi, va être attristé avec le Saint-Esprit. S'il ne vit pas sa vie chrétienne, lui aussi va être attristé parce que le Saint-Esprit est attristé. Si le chrétien est dans l'Église ou ailleurs que dans l'Église et qu'il vit une vie comme un inconverti et qu'il n'est pas attristé par ce genre de vie-là, ça me prouve quoi? Que le Saint-Esprit n'est pas là. Ça peut juste me prouver que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais quand il vit sa vie, il est chrétien, il est né nouveau, il s'inspire bien à lui, et quand, à cause que sa chair le fait tomber, ou le monde, la tentation, le diable, peu importe comment vous l'interprétez, il va être attristé, puis il va réagir d'une telle façon. Donc, quand je pêche et que le Saint-Esprit est en moi, je n'ai pas encore attristé cet esprit, selon ma compréhension. Si, par sa grâce qui me parle, et je dis, Seigneur, ce que je viens de faire, c'est mal, je n'ai pas attristé le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand j'ai péché que je l'ai attristé. C'est la façon que je vais réagir avec mon péché que je vais l'attrister ou pas. Vous voyez la nuance? C'est différent. Parce que je pêche. En tout cas, ma conviction personnelle, c'est que je ne ferai jamais rien de parfait. Je ne ferai jamais rien de parfait. Qu'est-ce que je vous dise? J'aimerais bien vous le dire. Ma femme a même bien l'entendre. que des petits bouts dans la journée, je suis parfait. Je suis jamais parfait, frère ça, je suis jamais parfait. Dans tout ce que je fais, des fois je suis en train de vous prêcher, puis je pêche encore. Je m'en rends compte, des fois je suis dans l'orgueil, que je suis dans la vantardise. Je pêche encore, même pendant le temps que je suis en train de vous dire de ne pas le faire. Tellement on est corrompu dans la chair. C'est tellement pogné en nous. Mais, quand je m'en vais, chez nous dans mon char, je dis encore une fois, Seigneur, je n'ai pas réussi à passer au côté. Je ne veux pas attrister l'esprit, parce que je réagis comme l'esprit veut que je réagisse face au péché qu'il y a dans ma vie. C'est la nuance que je veux vous dire. L'attrister l'esprit, ce serait de vivre une vie d'inconverti en me disant chrétien, puis que ça me fait rien, ça me dérange pas, ça ne m'attriste pas. C'est pas l'absence du péché. Parce que les chrétiens, peu importe ce que vous faites, en tout cas, peu importe ce que moi je fais, je vais prendre juste moi comme exemple, je fais jamais rien de parfait. Je ne sais pas si vous avez la même conviction que moi, mais quand c'est pas parfait, c'est péché. Quand c'est pas parfait, c'est péché. Donc, on ne fait jamais rien de parfait. On fait des actions. Je peux aller évangéliser. Avez-vous déjà fait ça? Aller évangéliser, demander pardon quand vous revenez? Vous faites ça souvent, hein? Vous faites ça souvent. Avez-vous déjà péché en priant? Vous êtes en train de prier, puis d'un coup, vous êtes rendu dans un job élevé avec vos pensées, puis vous avez des mauvaises pensées même. Mais vous êtes supposé être en prière, là. Vous n'avez jamais fait ça, personne? Je ne sais pas si c'est le seul bizarre. Voyez-vous que c'est même pendant ce temps-là qu'on devrait être dans le meilleur de notre vie, là, on se rend compte encore par le Saint-Esprit qui habite en nous qu'il nous fait réaliser, même pendant que tu pries, François, tu es encore égoïste. Ce que tu me demandes là, c'est égocentrique. C'est même pas pour ma gloire, c'est pour toi. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Et là, je n'ai pas attristé l'Esprit parce que j'ai fait le péché. J'avais attristé l'Esprit, je lui ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est ça. Ben, tu peux pas attrister l'esprit, c'est pas l'esprit. C'est que là, il parle des gens qui disent qu'ils ont l'esprit. Il dit, si vous dites, puis vous vivez comme des inconvertis, vous attristez l'esprit. Fait qu'il est en train de les diriger, vous devrez vous aligner vers la vie que vous avez appris. Ce que vous avez appris de Christ, vous devez le vivre dans cette direction-là. Donc, un chrétien peut attrister l'esprit? Oui, il peut attrister l'esprit. Oui, parce que tu peux les prier. C'est que c'est quand il est en train de pas réagir à ce qu'il est en train de vivre, de pas réagir à ce qu'il va contraire à ce que l'Esprit l'a régénéré pour faire ces choses-là. Tu sais que je t'ai empêché, ben je vois contraire. Mais si que je réagis pas à ce moment-là quand il me le montre, j'attriste l'Esprit. C'est quand, c'est pas le péché, c'est comme, ben, c'est péché de pas réagir, si je pourrais dire ça comme ça. Mais c'est pas parce que j'ai trop mangé de patates que j'ai attristé l'Esprit. C'est ça que je veux dire. C'est dans ce sens-là que quand l'Esprit qui est en moi me montre le péché qui est en moi, qui est autour de moi, je vais réagir de la bonne façon. Okay? C'est pas que je vais l'attrister quand je fais un péché, mais c'est quand qu'il me montre que j'ai fait un péché que je ne réagis pas bien. Dans ce sens-là que je dirais ça. C'est ça que je crois qu'il a commencé en parlant de l'inconverti et du chrétien. Vous ne devriez pas faire ça comme ça. Vous devriez donc marcher comme vous avez appris du Seigneur par le Saint-Esprit. Donc, il y a le combat dans le chrétien entre la chair et l'esprit de ce combat-là. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est pas juste un péché, mais plutôt l'attitude ou l'ensemble de ma vie chrétienne où est-ce que je vois attrister l'esprit. Prenez le temps de penser à ça, réfléchir là-dessus, regardez ça. Il y a un autre texte qui c'est éteindre l'esprit. Le chrétien, c'est dans Éphésiens, si vous voulez y tourner. Éphésiens. Thessaloniciens, excusez. Mais avant d'aller lire 1 Thessaloniciens, parce que le mot éteint est là, j'aimerais qu'on lise 2 Thessaloniciens, versets 1 à 4. Je crois que pour comprendre qu'est-ce que Paul veut dire aux chrétiens de Thessalonique quand il leur dit n'attestez pas le Saint-Esprit ou l'Esprit, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Et puis, est-ce que moi je peux le faire? Est-ce que je le fais? C'est comment est-ce que j'attriste l'esprit? Donc, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'église de Thessalonique. Et regardons ici 2 Thessalonique, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre bon sens. De ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, dans l'église de Thessalonique, des gens qui sont en argument avec l'enseignement reçu de la part des apôtres. Des gens qui disent que, par quelques paroles ou des lettres qui disent venir de Paul, ils leur disent que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Et dans l'Église, ça cause des problèmes. Ça cause des discussions. Ça cause des divisions. Ça cause des sectes à l'intérieur de l'Église. Des sectes, je veux dire, par des groupes qui se séparent, qui ont des opinions différentes. Donc, au sein de l'Église de Thessalonique, il y a un problème entre les enseignants qui sont là, qui ont appris des apôtres ce qu'ils croient, et qui ont transmis à l'Église, il y a un autre groupe d'hommes qui sont venus et qui enseignent autre chose. Il y a un problème entre les deux. Je crois qu'il faut qu'on comprenne ça pour qu'on comprenne quand il leur parle de ne pas éteindre l'esprit. Maintenant, on va aller dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est ça qu'on vient de lire, là, non? Ah, excusez. C'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Passe à l'autre. Passe à l'autre. Ouais, ben, on va aller un petit peu avant. T'es-tu là? 1 à 22 dans 1? OK. 1 à 22. Dans 1 Thessaloniciens 5, on va lire le contexte un petit peu avec ça pour nous donner une idée. Mais je vois que le temps approche, fait qu'on va pas tout le lire. On va aller à 17 directement. Et on. Verset 17, continue, aller plus loin. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Je crois que l'auteur, juste les versets avant, si on a eu le temps de les lire, parle, il dit, ayez des bonnes égards, ou soyez plein d'égards pour ceux qui vous enseignent, vos dirigeants. Respectez-les. Je crois que ce qu'il est en train de dire ici, comment est-ce que l'Esprit nous éclaire? Si je peux l'éteindre, ben, éteindre, c'est l'exemple d'éclairer, hein, c'est de lumière. Si je peux l'éteindre, c'est parce que d'habitude, on le compare à une lumière. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit, parce que l'Esprit est en train de m'éclairer. Ben, il fait de la lumière. Comment il fait ça? Par les Écritures, par l'enseignement de la parole, par les prophéties. C'est comme ça qu'il nous éclaire. Il nous éclaire par les Écritures. Il éclairait les chrétiens par l'enseignement des anciens dans l'Église. Mais il y a des faux prophètes qui viennent, et là, les chrétiens, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut comprendre, ont tendance à rejeter tout le monde. Ils sont écœurés d'être pris en deux, trois personnes. Un dit blanc, l'autre dit noir, l'autre dit ci, l'autre ça. Comment ça marche, cette affaire-là? C'est pour ça que leur dit, ne méprisez pas les prophéties, c'est qu'il était en train de vouloir rejeter. Si tu méprises les prophéties et que tu n'écoutes plus de l'enseignement, tu éteins l'Esprit. Si l'Esprit te parle par les Écritures et que tu n'as plus, je ne t'expose plus aux Écritures, tu n'as plus de lumière. Tu n'as plus de lumière. Lui, il te parle par les Écritures. Fait que toi, aujourd'hui, là, je dirais à un chrétien qui ferme sa Bible, qui ne veut plus rien entendre de la Bible, ne veut plus rien savoir de Dieu, je dirais, tu as éteint l'Esprit, il ne peut plus t'éclairer, il t'éclaire juste par les Écritures, tu t'exposes pas aux Écritures, tu ne les écoutes plus. Donc, c'est pour ça qu'il dit, au lieu d'éteindre l'Esprit, de mépriser les prophéties, de rien écouter, examinez tout ce que vous entendez. Recevez-le de tout le monde qui sont dans l'Église, écoutez tout le monde, examinez-le et regardez, gardez ce qui est bon pour rejeter ce qui est mal. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? C'est en examinant ce qu'ils ont reçu des apôtres. Donc, ils avaient reçu de l'enseignement des apôtres. Dit, ce que les gens vous disent dans l'Église, peu importe si c'est le pasteur officiel ou quelqu'un qui vient d'arriver, prenez ça, examinez ça en fonction de ce que vous avez reçu des apôtres et regardez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc, éteindre l'esprit, si ce n'est pas par le péché, c'est pas par le fait que je suis un bon ou un mauvais chrétien, c'est que tant que je m'expose à la vérité, l'Esprit peut m'éclairer. Tant que je m'expose à la vérité, il peut m'éclairer. Si je ferme les Écritures, je pourrais dire, je l'empêche de me parler, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien savoir de personne qui est chrétienne, je ne veux plus entendre parler de Dieu, j'éteins l'Esprit. C'est l'Esprit. Mais il faut le mettre dans son contexte, je crois qu'il y avait un problème entre les différents enseignants dans l'Église, et qui leur dit, ben, faites pas l'erreur d'éteindre l'Esprit, d'empêcher les gens d'enseigner, mais écoutez tout le monde, puis comparez avec ce que vous avez reçu des apôtres, puis retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Donc ça, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut comprendre qu'on est rempli de cet Esprit, et quand j'éteins l'Esprit, quand un chrétien éteint l'Esprit, ben, je crois que les chrétiens de Thessalonique, après ce que Paul a dit, puis ce qu'il a enseigné, ils ont fait ce que Paul a dit. Ils ont recommencé à écouter les prophéties, ils ont recommencé à écouter les enseignants, puis ils ont commencé à évaluer. Fait qu'ils n'éteignaient plus l'Esprit à ce moment-là. Donc, je crois que l'Esprit Saint qui est en moi, je ne peux pas m'en remplir plus ou moins, je ne peux pas le diminuer ou l'augmenter. Si je l'attriste parce que je ne fonctionne pas comme je devrais fonctionner, il va, lui, fonctionner en moi, il va continuer à faire son œuvre en moi, il va me ramener dans le chemin que je devrais suivre, parce que personnellement, je crois à la persévérance des saints, je crois que les saints vont persévérer jusqu'à la fin. Donc, pour que je puisse persévérer à la fin, il faut que l'Esprit persévère avec moi jusqu'à la fin. Moi, je dis tout le temps, je vais persévérer parce qu'il persévère avec moi. Il ne va pas persévérer, lui, avec moi, parce que moi, je persévère, mais moi, je vais persévérer parce que lui persévère avec moi. Et je crois que je vais continuer parce qu'il va m'éclairer finalement. Il va, quand moi je ferme, puis que à cause de conflits dans l'Église, puis je pourrais vous dire, j'en ai rencontré du monde de même, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais avec un groupe de chrétiens qui a eu une grosse division dans les églises des années 2007-2008. L'Église a passé, je pense, de 400 à 100 personnes, une vraie, vraie difficulté dans l'Église. Il y a une gang de chrétiens que je rencontre de ces gens-là, et qui ont, ils avaient tout fermé. Il avait tout fermé, les livres, tout partout. Il ne voulait plus rien savoir de personne. Savez-vous, la première fois que je les ai rencontrés, c'est ça que j'ai utilisé. N'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Il n'est pas responsable de ce que les hommes ont fait. Exposez-vous encore aux Écritures. Si dans cette église-là, vous ne pouvez plus y sentir, allez dans un autre. Continuez à vous exposer à la vérité. Discerner ce que vous entendez. interrogez d'autres personnes, mais ne vous privez pas de la bénédiction d'être éclairé par le Saint-Esprit à cause de ce que les hommes ou les femmes auraient pu faire dans une église. C'est ça que je pense que ça veut dire, ce texte-là ici. Donc, c'est quand nous, on a des difficultés dans notre vie chrétienne, le Saint-Esprit n'arrête pas de fonctionner. Je vous l'ai dit, il est venu avec une œuvre à faire dans ma vie, puis il va la faire. Il va la faire. Le Père m'a choisi de toute éternité. Il m'a élu. Et Jésus m'a sauvé à la croix. Et il pardonne à tous ses élus leurs péchés et il leur donne tous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient puis applique ce salut-là dans leur vie puis il va les amener jusqu'au ciel. C'est son œuvre à lui. C'est pas mon œuvre à moi. C'est son œuvre à lui. Et moi, je suis en réaction à ce qu'il fait dans ma vie. Et, puis vu que je suis dans la chair, je fais encore un paquet de bêtises. Mais lui, il réagit à ça. Et il va me conduire dans la vérité, il va m'éclairer, il va me convaincre, il va me donner de l'énergie spirituelle, je peux dire ça, puis il va m'emmener jusqu'à la fin. Son raison d'être à lui, Saint-Esprit, en moi, sa raison d'être, c'est de m'emmener jusqu'à la fin. C'est de m'emmener là jusqu'à la fin et que je jouisse du salut qui m'a été accordé par Jésus-Christ et par le Père. Moi, je vous encourage à toujours faire attention de ne jamais mettre Dieu ou l'Esprit de Dieu ou Jésus en arrière de vous. Il est toujours en avant de vous. Toujours en avant de vous. Toujours, toujours, toujours. C'est vous autres qui suivez, c'est pas lui qui vous suit. C'est vous autres qui suivez. J'avais compris ça un jour, j'étais en Israël, assis dans un autobus, puis je voyais un berger avec des moutons, en pleine ville, dans une vingtaine de moutons. À travers les autobus, les trucks, comme ça s'en allait. Puis moi, j'étais dans l'autobus, je l'ai regardé aller, puis j'étais comme, les brebis suivent le berger. Et n'est pas l'inverse. Moi, j'ai été élevé, j'étais toujours en arrière de mes vaches, toujours en arrière de mes moutons, puis j'ai poussé. Par là, le chien, ah ouais, va chercher celle-là. Puis quand j'étais plus moderne, j'avais mon sac à gaz, mais pas ça. J'étais toujours en arrière des vaches, puis je les poussais vers l'entrée. Mais Dieu, il marche pas comme ça. On est des brebis aussi. Hein? On est des brebis, on est appelés brebis. Et nous, on suit le berger. On suit le berger. On suit. Il n'y a pas besoin de nous pousser, il n'y a pas besoin de nous tirer, il n'y a pas besoin de nous enfarger, il n'y a pas besoin. On suit le berger. Mes bébés entendent ma voix et ils me suivent. Ils me suivent. Donc, on ne peut pas être moins rempli ou plus rempli. On n'a pas cette capacité-là de diminuer Dieu ou d'arrêter Dieu ou de contrôler Dieu par notre vie. Mais lui, dans sa toute-puissance, peut nous contrôler, nous diriger, nous pousser dans ce sens-là. Donc, j'espère que ça va vous aider et je vous encourage à, si vous avez assisté à toutes ces choses-là, de les réécouter, mais plus vite. Nous, on a fait ça sur 7-8 mois. Mais les prendre et dire, oh, je vais les écouter dans un mois ou dans deux semaines pour voir l'ensemble, pour voir que ça se tienne tout ce qu'on a vu ensemble depuis ce temps-là. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, je te remercie que tu as mis l'Esprit en nous. Tu savais très bien, toi, tu savais très bien que sans lui, on ne pouvait rien faire. Tu savais très bien que ça prenait lui pour appliquer dans nos vies toutes les beaux principes que le salut nous a acquis. C'est lui qui nous a régénérés, c'est lui qui nous a illuminés, c'est lui qui nous a guidés, c'est lui qui nous a poussés à faire ce que nous devons faire. Hein. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as dit, il habitera en vous éternellement. Éternellement. Jamais il va nous quitter, jamais il va nous tourner le dos, jamais il va nous bouder ou quoi que ce soit. Il est là en nous pour faire une œuvre qui va nous emmener jusque dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que rendu là, au jour où tu vas venir chercher ton église, ou le jour où tu vas venir nous chercher individuellement, nous allons te donner la gloire pour toutes choses. tout ce que tu vas avoir fait dans notre vie, depuis d'une éternité à l'autre éternité, nous te rendrons grâce, gloire et honneur pour ce que tu as fait pour nous, afin qu'on puisse être un peuple pour l'éternité qui va te glorifier, qui va t'adorer, qui va te louer. Seigneur, bénis l'Église de Val-d'Or. Conduis-les dans la vérité. Conduis-les toujours dans la vérité. Et parce que quand on marche dans cette vérité-là, c'est là que nous sommes des instruments de joie, de gloire, d'honneur pour toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.